بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في باب جديد. أنه شابيت كي باب الإبراد في الظهر من شدة الحر. كي le fait de refroidir, d'attendre que le temps se refroidisse lors des jours de chaleur pour pouvoir faire صلاة الظهر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث التاسع بعد المئة 109 حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من قيح أو فيح عفوا من فيح جهنم. Donc selon Abdullah ibn Omar, également Abu Huraira, رضي الله عنه, le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que si jamais la chaleur s'intensifie, alors attendez que le climat se refroidisse pour pouvoir faire la salat du dhuhr, ou la salat de façon générale. Car justement, la forte chaleur, l'intensité de la chaleur, provient d'une partie de l'enfer, du feu de l'enfer. Taïb. Yaqul Fadilat al-Shir ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Riwayan, les deux rapporteurs sont Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, dont on a déjà parlé auparavant, la tarjama, et Abu Huraira kazalik. موضوع الحديث لسجد الحديث بين حكم الإبراد بصلاة الظهر كي الجمان داتند كل تان سو رفرديس واكمل صلاة الظهر. يقول في الشرح الإجمالي الإكسبكاسيون جلوبال جنرال دو حديث يقول رحمه الله تعالى دين الإسلام دين يسر وسهولة يجمع بين العبادة وإعطاء النفس حظها أو حظها من الراحة حتى يؤدي العبد عبادته راغبا فيها بدون ملل ولا تعب. Que la religion de l'islam, c'est une religion justement qui appelle à la facilité, à la souplesse, afin que, et elle arrive à joindre entre le fait que le serviteur, entre l'adoration plutôt, d'accord, elle joue entre l'adoration et le fait qu'également que l'âme de la personne puisse en être soulagée, que ce ne soit pas un fardeau pour elle, afin qu'il puisse accomplir l'adoration comme il se doit. D'accord ? Qu'il aime cela et qu'il n'en ressente aucune fatigue ni de lassitude. Que ne soit pas pour lui une charge insurmontable. وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر وابو هريره رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عند اشتداد الحر في القيظ أن تؤخر صلاة الظهر حتى يبرد الحر وتنكسر قوته لتؤدى الصلاة براحة وخشوع. Donc dans ce hadith, justement, Abdullah ibn Omar et Abu Huraira informent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque la chaleur s'intensifie, qu'il faut retarder la salat du dhuhr, car c'est l'heure où le soleil est au plus fort et cogne, afin que le temps se refroidisse et que la chaleur perde sa force, afin que la salat soit accomplie, d'accord, et cela sans difficulté, et tout en gardant le khushur qui est la concentration et l'humilité. Donc ça, c'est l'explication à peu près générale du hadith. يقول من فوائد الحديث parmi les enseignements du hadith طلب الإبراد بصلاة الظهر في أيام الحر شدة حتى يبرد الجو. Qu'il faut justement attendre que le temps se rafraîchisse pour faire la salat du dhuhr. Et quand on dit attendre que le temps se rafraîchisse, c'est entre le temps qui est entre le dhuhr et l'asr, et ne pas sortir du temps non plus. Que le fait d'observer la perfection de l'adoration, qu'elle soit bien accomplie, prédomine sur l'observation de l'accomplir en son temps, du moins en début de temps. Car on sait que le meilleur des actes auprès d'Allah Azzawajal, c'est la salat en premier, dans son temps. Ou plutôt la salat dans son temps. Et le meilleur temps de la salat, c'est au début. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui est prioritaire ? La faire en début et le mal la faire, ou la faire par la suite dans un temps qui est également valide et la faire mieux ? On va bien évidemment dire que c'est le fait de la mieux la faire. De mieux la faire. ثالثا يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها أو سهولتها. نعم عرفوا. Cela montre également la facilité qu'il y a dans la législation islamique et sa souplesse. Rabi'an an an-nar mawjudatun al-an. Ce hadith est une preuve que le feu de l'enfer existe et présent dès maintenant. Contrairement à ce que des gens disent comme les Mu'tazila que le feu, le paradis ne sont pas encore présents, qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient présents maintenant. On dit qu'ils sont déjà présents, des hadiths se prouvent, et parmi eux, ce hadith. Également, ce hadith nous montre que la dure chaleur que l'on ressent en été n'est pas forcément, comme les koufars disent, due à un rapprochement de la terre, du soleil, je ne sais quoi. Car d'autres hadiths montrent que la forte fraîcheur ou froideur de l'hiver et la forte chaleur de l'été proviennent d'une partie du feu de l'enfer qui sort. Donc ces hadiths qui parlent des choses de l'invisible nous indiquent beaucoup de choses de ce qui se déroule autour de nous dans le monde que des gens veulent essayer d'expliquer et qui en réalité n'expliquent que partiellement ou des fois n'expliquent pas du tout. Ils veulent trouver une explication rationnelle ou scientifique et en réalité se trompent. Et que cette explication n'est trouvable que dans la révélation. Donc ne pas se baser sur nos raisons, nos connaissances ou autres, cela le démontre. طيب اي خامسا يدي حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الحكم ببيان حكمته ليطمئن القلب ويعلم سمو الشريعه الاسلاميه او يعلم سمو الشريعه الاسلاميه et cela montre la bonne façon, la bonne pédagogie du prophète صلى الله عليه وسلم du fait que il démontre la sagesse du jugement donné et ça c'était pas non plus dans l'absolu, des fois des choses on les a eues sans connaître la sagesse. Mais le Nabi Salam souvent l'a donné. Et cela pourquoi ? Pour que le cœur s'apaise. Et également pour montrer les objectifs, d'accord, de cette législation islamique. Et là, une chose que le Shir dit par la suite, qu'on avait pris auparavant, que le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faisait la salat du Dhuhr en début de temps directement. On dit que ça c'était au début et par la suite, rien n'empêche qu'une nouvelle sagesse soit venue, permettant de pouvoir retarder un petit peu de son temps afin que cette adoration soit accomplie avec plus d'aisance. Car vous savez que la législation n'est pas descendue en un jour, elle est descendue par étapes. Et des événements ont amené à ce que de nouveaux juments apparaissent. Min hikmatillah azawajal. Allah le savait. Mais nous, pour justement nous faciliter la tâche, des choses sont venues comme des hadiths ou des versets qui ont été abrogés, échangés par la suite. Pourquoi ? En mesure de la situation et de l'époque et des moyens. Mais au final, la religion, au final, après la révélation, elle était complète. Il n'y a plus de chose qui sera abrogée, qui sera changée. Wa akada. Hadha alladhi akhadhna min hadha al-hadith al-yawm wa alhamdulillahi rabbil alamin.